Chapitre 11e, le meilleur parti. Quand Zara retourne chez elle, elle trouve son père, sa mère et son jeune frère assis, les yeux rivés sur la télévision. Elle transmet le sempiternel téléfilm turc où des gens archi-riches, jeunes, super beaux et très élégants se débattent dans l'unique problème qui les tourmente, un ridicule et vulgaire amour contrarié. À la vue de Zara, le père prend la télécommande et coupe le son de la télévision, puis « Assieds-toi !» ordonne-t-il à sa fille, « je dois te parler. » Elle obéit, sans réussir à cacher l'inquiétude apparue d'un coup sur son visage. Le ton autoritaire de la voix du père n'annonce rien de bon. « Finalement, lui déclare pompeusement celui-ci, Dieu nous a envoyé le moyen pour sortir de la misère. » L'expression de Zara s'obscurcit davantage. « L'homme, interroge le père, qu'est-ce qui fait sa valeur ?» La fille préfère ne pas répliquer. Elle laisse son père soliloquer de crainte de le contrarier avec l'habituelle conséquence désagréable. Elle attend donc la réponse. Il la donne de manière sentencieuse. « C'est ce qu'il a dans la banque, » affirma-t-il en soulignant le dernier mot. Zara n'exprime pas ce qu'elle en pense. « Évidemment, mais pas dans le cerveau, ni dans le cœur. » Sans daigner s'enquérir si sa fille est d'accord ou pas, le chef de famille, selon l'expression traditionnelle, s'obstine d'un ton faussement mielleux. « Un homme de ce genre veut t'épouser. » Les traits de Zara se crispent violemment. Le père semble ne pas s'en rendre compte, tant il se considère l'incarnation de l'autorité et de la sagesse suprême. « Et ce n'est pas, précise-t-il, n'importe quel homme. C'est le meilleur parti que Dieu, dans sa bonté, qu'il en soit remercié, t'envoie, nous envoie. Cet homme possède une très belle villa, des terres agricoles qu'il est en train de transformer en zone de stockage de marchandises importées. Il est dans l'import-export. Il travaille grâce à l'aide d'un ami député qu'il a contribué à faire élire. En plus, c'est un très bon musulman. Il a fait plusieurs fois le voyage à la Mecque, et c'est un salafiste important. La seule chose est qu'il est beaucoup plus âgé que toi. Tant mieux, le plus tôt il mourra, le plus tôt tu hériteras de ses richesses. » Zara, effarée, baisse les yeux et demeure silencieuse. Sans daigner s'enquérir si sa fille est d'accord ou pas, le chef de famille, selon l'expression traditionnelle, s'obstine d'un ton faussement mielleux. « Un homme de ce genre veut t'épouser. » Les traits de Zara se crispent violemment. Le père semble ne pas s'en rendre compte, tant il se considère l'incarnation de l'autorité et de la sagesse suprême. « Et ce n'est pas, précise-t-il, n'importe quel homme. C'est le meilleur parti que Dieu, dans sa bonté, qu'il en soit remercié, t'envoie, nous envoie. Cet homme possède une très belle villa, des terres agricoles qu'il est en train de transformer en zone de stockage de marchandises importées. Il est dans l'import-export. Il travaille grâce à l'aide d'un ami député qu'il a contribué à faire élire. En plus, c'est un très bon musulman. Il a fait plusieurs fois le voyage à la Mecque, et c'est un salafiste important. La seule chose est qu'il est beaucoup plus âgé que toi. Tant mieux, le plus tôt il mourra, le plus tôt tu hériteras de ses richesses. » Zara, effarée, baisse les yeux et demeure silencieuse. Comment lui répondre sans l'offenser et provoquer sa colère? Prenant cette réaction de sa fille pour un consentement, le père, tout content et fier, conclut « Je sais que tu es une brave fille, Zara. Dieu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, le clément, le miséricordieux, a finalement pensé à nous. Nous devons le remercier. » Zara relève la tête, fixe son père droit dans les yeux de manière résolue. « Papa, je préfère continuer à travailler pour vous nourrir, sans me marier. » Une violente gifle sur sa joue, décochée par le père, fait basculer Zara. La mère, par instinct, va intervenir en faveur de sa fille quand une autre brutale gifle du mari la bloque. Le petit frère assiste à cette horrible scène sans rien dire, apparemment impassible. À moins de bien examiner ses yeux, leur dureté est effroyable. Le père, furieux, lance à sa fille « Si tu n'acceptes pas de te marier, je te tue. Tu entends? Je te tue de mes propres mains. Je t'égorge comme une poule. Et même sans la shahada. » Il se lève brusquement et sort en refermant violemment la porte derrière lui. Après avoir caressé sa joue pour atténuer la douleur, la mère intervient, conciliante. « Zara, ma fille, pourquoi n'acceptes-tu pas ce mariage? C'est Dieu qui te l'envoie. Tu ne peux pas lui désobéir. » La fille reste muette. « Je ne peux quand même pas lui avouer la vérité. Mon père serait capable d'aller assassiner Karim. »« Maman, déclare-t-elle avec fermeté, je ne veux pas me marier. Pourquoi ?» demande la mère stupéfaite. « Parce que je ne veux pas devenir l'esclave d'un homme comme toi avec papa. » Zara sait qu'elle vient de blesser sa mère. Aussitôt elle corrige. « Maman, c'est toi-même qui me l'as dit plusieurs fois. J'espère que tu ne finiras pas comme moi, esclave d'un homme. Il vaut mieux que tu sois commandé par un homme dans ton travail que de l'être à la maison. » « Oui, c'est vrai, » confirme la mère. « Mais as-tu entendu ce que ton père vient de te dire? Tu sais bien qu'il est capable d'exécuter sa menace. » Zara reste silencieuse, l'expression résolue. La mère insiste. « L'homme qui veut t'épouser est vieux. Peut-être alors se conduira-t-il avec toi mieux que ton père avec moi. Et puis il est très riche, donc tu n'auras pas de soucis pour manger. Enfin, étant un bon musulman, il ne boit pas d'alcool, donc ne s'enivre pas, en risquant dans cette situation de te battre. » « C'est un salafiste, maman. Et alors, pour ces gens-là, la femme n'est qu'une bête, destinée à satisfaire leur désir d'homme. Je pense que mari ivre d'idées esclavagistes concernant la femme est pire qu'un mari ivre d'alcool. » « Et la menace de ton père ?» insiste la pauvre mère angoissée. « Qu'en fais-tu ?» Zara hausse les sourcils en même temps que les épaules, puis « Je verrai ce que me réserve Al-Maktoub, ce qui est écrit. » « Mais, proteste la mère, Al-Maktoub te donne déjà cet homme. » « Alors je prends le droit de le refuser et d'attendre mieux. » La mère de Zara, extrêmement peinée, se lève. « Je n'en peux plus, je vais dormir. »« Oui, maman, tu en as besoin. Et pardonne-moi de te causer de la peine. »« Ah, ma petite fille. » »« Ne demande pas de pardon. Je sais que tu es la meilleure des filles. Et je remercie infiniment Dieu de t'avoir. Que serais-je devenue sans toi ?» D'un pas pesant, le corps affaissé, elle s'éloigne et quitte le petit salon.